Salut à vous les mecs. C'est l'heure de ma pause. Je ne parle pas parce toute la journée. We'll be right back. Thank you.